Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition de la soirée dont voici les titres. De promouvoir le leadership et la gouvernance démocratique au sein du parti CNR, décidons. 1. La suspension de l'honorable Agathon Rwasa de ses fonctions du président du parti et représentant légal du parti pour les motifs suivants. C'était honorable Télance, Manila Mbona a annoncé que honorable Rwasa Agathon est suspendu aux fonctions de président et représentant légal du parti CNR. Cela ressort d'un communiqué sorti entre-temps. Le secrétaire général du parti CNR, honorable Simon Bizimungu, indique que honorable Agathon Rwasa demeure bel et bien le président du parti. Et la Fédération nationale des syndicats du secteur de la santé s'inscrit en faux contre la décision du gouvernement du Burundi portant voie à la retraite du personnel du secteur de la santé publique qui a l'âge de 60 ans. Et les commerçants de la zone Nyakabiga en mairie de Bujumbura plaident pour être servis en sucre. Ils affirment qu'ils viennent de passer 2 mois sans être servis. Eric Ouimana assure la mise en onde. Jean-Marie Mayonga la présentation. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons cette édition par la page Santé. La Fédération nationale et des syndicats du secteur de la santé s'inscrit en faux contre la décision du gouvernement du Burundi portant voie à la retraite du personnel du secteur de la santé publique qui atteint l'âge de 60 ans, ce qu'il qualifie de violation flagrante des conventions tant nationales qu'internationales stipulant que l'âge de la retraite est de 65 ans. Dans une déclaration que les membres de cette fédération ont rendue publique ce mardi, ils accusent la ministre de la Santé et de lutte contre le sida de s'être précipitée à mettre en application cette décision et demandent qu'elle soit suspendue pour d'abord déclencher le dialogue. Suivez d'abord Mélance Akizima, le président du syndicat SINAP. La FNSS s'inscrit en faux contre la décision du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida dans la mesure où une telle décision est entachée d'irrégularité et considérée comme un licenciement abusif du personnel renvoyé forcément à la retraite sans respecter les pratiques administratives toujours en vigueur et demande à l'autorité compétente d'annuler la correspondance numéro 630 du 29 juillet 2023 du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida pour laisser au personnel concerné vaquer à leurs activités habituelles en attendant l'issue des négociations, faute de quoi la FNSS va prendre des mesures jugées adéquates pour revendiquer les droits de son personnel renvoyé à la retraite de façon irrégulière. La FNSS demande à la COSIVU, la Confédération syndicale du Burundi, qui est la confédération la plus représentative, de réunir tous les syndicats confédérés, fédérés ou pas, pour analyser la situation des relations sociales prévalant actuellement dans le monde du travail et prendre des mesures qui s'imposent pour l'intérêt du travail et des travailleurs. La FNSS rappelle à tous les travailleurs tant du secteur public, parapublic que privé, doit rester uni et solidaire et ne pas céder aux intimidations et discours divisionnistes qui pourraient surgir à la suite de cette déclaration pour des intérêts inavoués. Mélance Hakizima, représentant du syndicat SINAPA. Page politique, l'honorable Agathon Rwasa est suspendu aux fonctions de président et représentant légal du parti CNL à partir de ce 4 juillet. Une suspension par le groupe de 10 membres de ce parti, eux-mêmes récemment suspendus du bureau politique et de ce parti. Dans un communiqué lu par le député Terence Manila Mbona, ils accusent au député Agathon Rwasa, entre autres, de comploter les organes du parti CNL et de détournement des fonds et violation des textes de ce parti. Selon ce communiqué, le comité exécutif est sous la direction du secrétaire général est appelé à organiser un congrès pour le remplacement de l'honorable Agathon Rwasa. Suivez honorable Terence Manirambon. Résolu que l'ordre et la discipline sont des principes sacro-saints au sein des organes du parti CNL et de ses militants, désireux de promouvoir le leadership et la gouvernance démocratique au sein du parti CNL, décidons 1. La suspension de l'honorable Agathon Rwasa de ses fonctions du président du parti et représentant légal du parti pour les motifs suivants. Manquement grave qui se traduisent par le complot contre les organes du parti, la violation des textes légaux du parti et du pays, le détournement des fonds et du patrimoine du parti, l'égoïsme poussé à outrance et la diversion dans l'opinion et au sein des militants. Tenant compte de la situation de crise que traverse le parti depuis bientôt 8 mois, nous constatons une absence prolongée du président du parti dans ses fonctions qui se traduit par l'absence des réunions statutaires des organes du parti et le silence face aux demandes incessantes des réunions à travers les plateformes de communication interne et aux correspondances lui adressées. 2. Conformément aux dispositions de l'article 38, alinéa 2 du règlement d'ordre intérieur du parti CNL, les membres du bureau politique du parti CNL, dans leur majorité, constatent la vacance de poste du président du parti CNL pour plusieurs sérieuses causes ci-haut mentionnées. 3. De tout ce qui précède, le comité exécutif, sous la direction du secrétaire général, est appelé à assurer l'intérim et convoqué en congrès dans un délai légal pour pouvoir au remplacement du président du parti dans le respect des dispositions de l'article 49 des statuts du parti CNL de 2019 et de l'article 38 du règlement de l'ordre intérieur. Par le présent communiqué, nous demandons à l'équipe chargée d'assurer l'intérim de s'adresser au ministre ayant la gestion des partis politiques dans cette attribution pour lui demander de permettre la tenue des réunions du bureau politique légal de 2019 à la permanence nationale dans le respect de l'esprit et de la lettre de sa correspondance du 2 juin 2023 dans le souci de relancer les activités du parti dans tout le pays. Honorable Terence Manirambona, dans un communiqué sorti le 26 juin dernier, les 10 membres ont demandé au président de la tenue d'un dialogue au sujet des divergences qui les opposent il y a 8 mois. Entre-temps, le secrétaire général du parti CNL a annoncé sur son compte Twitter que le communiqué n'est pas à tenir compte. Honorable Simon Bizimungu indique que Honorable Gator Gwassa demeure bel et bien le président du parti. Selon lui, la période de se comporter à la manière des coups d'État est révolue. Et de préciser, ces 10 membres ne peuvent pas avoir ce pouvoir de suspendre le président du parti du fait qu'ils ont été suspendus de leur fonction dans l'organe national par la décision du 28 juin 2023. Page coopération, la représentation de l'État dans les organisations internationales et tant d'honneur pour le pays. Ce sont les propos de l'ambassadeur Cyprien Mbonima, ancien ministre burundais des Relations extérieures, après l'approbation du nom de Léon Senghenakumana, ancien président de l'Assemblée nationale au poste de membre du Conseil des sages de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cet ancien diplomate trouve que le Burundi a tardé. Il souhaite que cette démarche soit renforcée. Suivez ambassadeur Cyprien Mbonima. J'apprécie beaucoup cette initiative du gouvernement de penser à des gens qui ont servi au Burundi dans différents postes. Je connais Léon Senghenakumana, je le connais dans ses anciennes fonctions, je l'ai connu à Arusha lors des négociations d'Arusha. Donc quelqu'un qui intègre, qui dit ce qu'il pense, donc qu'on ait pensé à lui pour faire partie de son côté sage, c'est une très bonne chose et pour le pays et pour la réunion lui-même. Quel est le profit pour le pays? Le profit est énorme. Vous savez, si vous prenez par exemple des pays comme le Sénégal fait tout pour envoyer des Sénégalais dans toutes les organisations nationales. Et ces gens-là parlent pour le Sénégal, défendent le nom du Sénégal. Alors, le plus nous aurons des Burundais qui seront placés dans des organisations nationales, ils vont défendre leur pays. C'est une fierté pour le Burundi et c'est une fierté pour les Burundais. Donc, je dis que nous avions tardé à le faire parce que beaucoup d'autres pays africains, même d'autres pays du monde, essaie de placer les ressortissants dans des organisations où chaque fois qu'ils se présentent, ils parlent bien de leur pays. C'est un honneur et un prestige pour le pays. Je pense que le gouvernement du Burundi a fait une bonne démarche. Il faut souhaiter qu'on continue parce que nous avons beaucoup de personnalités qui ont exercé des fonctions et qui pourraient encore servir et qui sont capables de représenter leur pays et aussi de défendre l'image du Burundi à l'étranger. Partout où c'est possible, c'est une bonne chose. L'expérience que vous avez acquise dans votre pays, si vous pouvez la mettre au service d'autres pays de la Légion ou du monde, c'est une bonne chose. Du Sanganiro, journal continue, page des droits de l'homme. Le comité des droits de l'homme des Nations Unies exprime son profond regret que le dialogue avec le Burundi visant à examiner la mise en œuvre des droits civils et politiques dans le pays n'ait pas pu avoir lieu comme prévu. Le comité a décidé de poursuivre son examen périodique en l'absence de la délégation du Burundi. Le Burundi s'est retiré du dialogue relatif à sa 38e session du comité des droits de l'homme prévue à Genève en Suisse du 3 au 4 juillet 2023. Dans un communiqué de ce lundi 3 juillet signé par Imelda Sabushimike, ministre de la Solidarité nationale des affaires sociales et des droits de la personne humaine et du genre, elle a fait savoir que le Burundi allait présenter son troisième rapport juridique devant le comité des droits de l'homme. Mais pour cela, la délégation burundaise est dite avoir soumis un préalable au comité selon lequel cette délégation ne pouvait pas présenter son rapport en présence de certaines personnes de la société civile œuvrant à l'extérieur, des personnes qu'elle qualifie de criminelles condamnées par la justice burundaise et dont la liste a été remise au comité. Isanganiro, la radio de l'avenir. Pôle santé à présent, plus de 3 millions d'enfants de moins de 0 à 7 ans ont été vaccinés contre la poliomyélite dans la campagne récente contre cette épidémie sur plus de 2 millions attendus. Le secrétaire permanent au sein du ministère de la Santé publique l'a dit ce mardi dans un atelier de restitution des résultats de la campagne de riposte vaccinale contre la dite épidémie à Bujumbura. Olivier Nidjimbele ajoute que les enfants qui n'ont pas reçu ce vaccin seront vaccinés dans la campagne suivante. Suivez Dr Olivier Nidjimbele. Nous avons organisé une campagne de riposte vaccinale contre l'épidémie de poliomyélite. Globalement, les résultats sont satisfaisants sur l'ensemble du territoire national. Nous avons pu atteindre une couverture, selon les données que nous avons recueillies au jour, et nous avons atteint une couverture de près de 112%, c'est-à-dire que sur les 2 731 432 enfants attendus, nous avons plutôt vacciné autour de 3 millions d'enfants âgés de 0 à 7 ans. Et donc l'objectif a été globalement atteint. Mais il importe de souligner néanmoins qu'il y a des disparités entre les districts. Certains districts n'ont pas pu atteindre une couverture vaccinale attendue de 95%. C'est pourquoi nous allons conjuguer les efforts pour élaborer, développer des actions pour que nous puissions mieux réussir avec les deux autres passages qui s'annoncent. Déjà, le deuxième passage est temps prévu au mois de juillet. Pour cette riposte contre la poliomyélite, nous devrions atteindre pour l'ensemble des districts une couverture vaccinale d'au moins 95%. Mais les résultats de l'enquête d'évaluation de la qualité ont montré que sur les 49 districts, 28 districts ont pu atteindre cet objectif, soit 57% des districts. Et nous allons tout faire pour que nous puissions, avec les deux autres passages, atteindre au moins 80% des districts qui affichent de bonnes performances pour la riposte contre la poliomyélite. Sur tous les districts, nous avons remarqué qu'il y a des cas de refus de la vaccination, surtout certains parents, selon leurs croyances religieuses ou culturelles, notamment les adeptes de la secte Abazebia, Abasohoke et d'autres qui n'ont pas encore compris l'importance de la vaccination, alors que nous savons que seule la vaccination va nous permettre d'arrêter cette chaîne de transmission et d'arrêter l'épidémie de poliomyélite qui est en cours au Burundi depuis le mois de mars de cette année. Page sécurité à Rumonge, 4 personnes habitant de la colline Gachache, en commune et province Rumonge, sont retenues au cachot de la police Rumonge depuis le soir de ce lundi. Elles ont été arrêtées sur cette colline au terme d'une réunion animée par l'administrateur communal de Rumonge après s'être rendu coupable de tenir des propos diffamatoires contre le chef collinaire sur sa probable possession de vaches divagant dans les propriétaires des tierces. Elles ont été arrêtées pour le plus ample des enquêtes sur le vrai mobile et derrière ces propos contre leur chef collinaire, selon l'administrateur communal de Rumonge. Le point avec Jean-Pierre Misago. Après avoir interrogé publiquement les témoins à charge et à décharge dans une réunion publique tenue l'après-midi de Soleni au marché moderne de la colline Gachacha, Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, après délibération en compagnie de certains députés et sénateurs élus dans la circonscription de Rumonge, certains officiers de la police natifs de cette colline et certains des membres du conseil communal de Rumonge présents dans cette réunion ont décidé l'arrestation des 4 personnes. Elle compte en effet parmi plusieurs témoins interrogés publiquement ayant déclaré que Frida Nagijimana, chef de secteur Gachacha, élève des vaches faisant la divagation dans les palmeraies villageoises de la localité et qui ont ravagé le champ de culture aménagé par Césarie Horugavier en octobre 2022, un démenti contre ces 4 personnes, parmi lesquelles Césarie Horugavier a été vite fourni D'abord, le propriétaire de ces vaches est présenté comme destructrice du champ de Césarie, qui a déclaré que Césarie n'a jamais porté plainte contre lui. Ensuite, le propriétaire de la palmeraie dans laquelle Césarie avait aménagé son champ. Selon lui, les vaches évoquées par Césarie n'ont pas touché ces jeunes palmiers alors que c'est leur aliment préféré. Un autre démenti sera celui du chef de la sous-colline dont dépend Frida Nagijimana. Selon ses propos, le nom de Frida Nagijimana n'apparaît nulle part dans les recensements des propriétaires de vaches dans la période évoquée. Augustin Minani promet aux habitants de Gachacha que cela n'est pas terminé, que des enquêtes vont plutôt se poursuivre jusqu'à démasquer et punir le groupe derrière le désordre dans cette colline rapportée depuis les élections de 2020. Et cela est comme ça, stabiliser cette colline comme les autres constituant la commune Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Gachacha, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. Une femme enceinte a besoin de consulter un médecin au premier trimestre de la grossesse. Cette consultation permet de dater cette grossesse. Explication du gynécologue Gabriel Nahayo qui précise en outre qu'un dépistage précoce permet de connaître l'état de santé de la mère et le traitement en cours. Plus de détails ici dans cette chronique santé signée Francine Diokougaïo. La consultation prénatale précoce est une consultation qui intervient dans les 3 mois de grossesse. Le gynécologue Gabriel Nahayo explique qu'elle permet à la femme enceinte de dater sa grossesse. Ça permet au médecin et donc à la patiente de dater exactement la grossesse. Parce que plus la grossesse avance, plus la datation devient difficile. La datation est utile parce qu'on doit savoir le terme exact de la grossesse pour que, au moment où intervient par exemple une menace d'accouchement prématuré, on le sache et qu'on puisse traiter énergiquement la patiente afin d'éviter l'accouchement prématuré. Dans le cas contraire où on a un accouchement retardé, on doit également savoir exactement l'âge de la grossesse pour pouvoir décider du moment d'accoucher la femme, parce que si on retarde trop longtemps l'accouchement, on peut aboutir à un décès, à une mort fœtale intra-utéro. Le docteur Nahayo indique que normalement chez la femme enceinte, il existe des maladies qui doivent être prévenues à temps pour éviter qu'elles aggravent la santé de la mère. Il y a des maladies qui doivent être prévenues. Ce sont des maladies infectieuses, comme le sida, comme la syphilis. Ces maladies-là, pour qu'elles puissent être prévenues, la toxoplasmose aussi, pour qu'elles puissent être prévenues, il faut qu'on sache tôt que cette femme est porteuse de ces maladies-là. Alors, lors de la consultation prénatale précoce, on fait ces examens-là pour le savoir. À côté de cela, on cherche d'autres maladies, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, etc., qui peuvent aggraver la santé de la mère et même interférer avec un bon développement fœtal. Ce gynécologue signale que les examens sont faits généralement au cours de la première consultation. Les examens sont faits au cours de la première consultation. Généralement, c'est à 3 mois ou un peu avant 3 mois. Et on fait donc toute une série d'examens pour chercher des pathologies pouvant interférer avec la grossesse. Le premier examen que l'on fait, c'est une numération, formule sanguine. C'est un examen qui permet de savoir si la femme a une anémie ou pas, parce que c'est une pathologie qui est fréquente, surtout dans nos pays, et qui, une fois traitée correctement en cours de grossesse, conduit à de bons résultats. On fait également un test de groupe sanguin, parce qu'il peut y avoir des incompatibilités entre la mère et l'enfant qui peuvent conduire au décès des bébés à l'intérieur du sein maternel. Et même quand ce n'est pas le fœtus de cette grossesse-là, les fœtus suivants peuvent être affectés. On fait également un test de la glycémie, le sucre dans le sang, pour voir si la femme n'est pas atteinte de diabète. Le diabète gestationnel ou même le diabète qui préexiste à la grossesse peuvent être dangereux parce qu'ils peuvent provoquer une série de malformations, mort fœtale, in utero, etc. Il y a d'autres maladies qui ne sont pas faites au Burundi, comme le cytomégalovirus, comme la rubéole, etc. Mais ils ne sont pas très fréquents. Dans notre prochaine chronique santé, le docteur Gabriel Nahayo va nous parler des conséquences qui peuvent suivre en l'absence de la consultation prénatale précoce. Merci à Francine Ndio Kugayo, page commerce et les commerçants de la zone Nyakabiga, mairie de Bujumbura, lesquels s'approvisionnent en sucre et à la société sucrière d'Omoso, près de pouvoir être servis en sort produit. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro indiquent qu'ils viennent de passer une période de 2 mois sans être servis. Le chef de zone Nyakabiga le confirme et précise qu'il est plus difficile de faire le suivi de la distribution de ce produit au moment où les commerçants n'en ont pas. Nous devons cette information à Jean Dodier Irakodze. Et bien voilà, c'est pas ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté oreille attentive. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.